Bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal et toutes les deux semaines, j'invite dans ce podcast une personne engagée avec laquelle nous allons discuter des nouvelles croissances qui nous attendent dans la société durable, solidaire et joyeuse de demain. L'utopiste en moi en est persuadé. Non seulement demain n'est pas foutu, mais le futur peut même se révéler être bien plus enthousiasmant que ce que nous connaissons actuellement. Et pour dire au revoir à l'état de crise permanent, il est temps de se mettre à la hauteur des enjeux de notre siècle et ça commence par faire de nos rêves des stratégies. Bon voyage. Bon voyage. Bonjour Mathieu Dardaillon. Salut Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Pour cette nouvelle saison, le podcast il est encore et toujours soutenu par la NEF. C'est une banque éthique coopérative. Grâce à l'épargne qu'elle collecte, la NEF elle finance exclusivement des projets écologiques, sociaux et culturels. C'est carrément la banque des 2030 Glorieuses. Elle est coopérative parce qu'elle appartient à ses sociétaires. Elle est éthique parce qu'elle met en avant le circuit court de l'argent. Et c'est surtout la seule banque française aujourd'hui qui publie l'intégralité de ses financements. Et moi, elle me permet d'interviewer plein de gens géniaux comme aujourd'hui Mathieu qui participe concrètement à bâtir les 2030 Glorieuses. Et là, cette année ou jamais, c'est vraiment l'année d'être fier de sa banque et d'ouvrir un livret NEF. Je vous invite à aller trouver toutes les informations sur leur site internet. Voilà, ça c'est dit. Aujourd'hui, donc, je suis heureux de te donner la parole. Ça fait longtemps qu'on se croise, Mathieu, qu'on se connaît de loin. Et toi, notamment, tu es assez connu. Je vais en dire un mot. Tu as cofondé Ticket for Change. Si jamais tu veux en reparler, tu en reparles. Mais sinon, on peut aussi passer à tes activités très concrètes actuellement de conférencier, auteur, plein d'autres choses. Tu as plein de casquettes. Tu es dans des boards, tu es fellow à Shoka. Bref, on en reparlera si tu le souhaites. Nous allons surtout ensemble parler de redessiner le monde d'anti-chaos et plus globalement de comment faire émerger des futurs plus harmonieux. Imagine, Mathieu, tu es encore à un de ces événements où il y a des gens qui ne te connaissent pas, une tête au-dessus de tout le monde, arrive une personne qui te pose la question « Alors, toi, tu fais quoi dans la vie ? Qu'est-ce que tu réponds maintenant en 2025 ?» Cette question qui est aussi le titre d'un de mes anciens livres et qui est pas si simple à répondre, en tout cas quand on invente des nouvelles activités. Déjà, je suis ravi de cet échange avec toi, Julien. Merci de ton invitation. Et c'est toujours un plaisir de te retrouver. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Je partage du contenu pour aider à mieux agir dans le monde actuel. Donc, on pourrait dire, en quelque sorte, je suis créateur de contenu, que je peux le faire via... des réseaux sociaux comme LinkedIn, une newsletter qui s'appelle Redessiner le monde, un livre anti-chaos, des conférences. J'accompagne des mouvements, toujours comme Ticket for Change, la Convention Entreprise pour le Climat. Et mon but, c'est vraiment de partager des outils qui aident à naviguer dans l'époque actuelle et pour faire émerger un nouveau monde. Donc c'est ça fondamentalement que je fais, et je le fais avec une approche visuelle. Et c'est aussi pour ça que ça s'appelle Redessiner le monde. Alors là, tu parles beaucoup du comment, avec des livres, et tu l'as dit, avec une newsletter, donc tu le fais comme ça, mais tu nous amènes vers quoi ? Tu dirais que si jamais on devait sortir un peu des cases dans lesquelles on s'est un peu tous automis sur LinkedIn, concrètement, tu as cette vision face à toi de ces nouveaux mondes. Toi, tu utilises le mot plus harmonieux. Comment tu nous y amènes ? Tu viens de l'évoquer. Vers quoi tu nous amènes ? À quoi tu participes ? Le monde actuel, il est décroissant en réalité, décroissant de sens, décroissant de solidarité, décroissant d'espérance de vie en bonne santé, décroissant de plein de choses. Toi, tu participes à des nouvelles croissances, lesquelles ? J'ai fait un gros travail ces derniers mois sur la notion de paradigme. Et donc, je crois que fondamentalement, on est à bout de souffle du modèle actuel, un modèle basé sur l'économique comme finalité, le toujours plus vite. Donc le matérialisme aussi basé sur une accélération, la domination de la nature, la domination des humains. Donc ça, on voit à la fois le développement économique que ça a permis, le développement du niveau de vie et de confort dont on bénéficie aujourd'hui, aussi le fait qu'on dépasse ses limites planétaires sur 9 et qu'il y a des inégalités insoutenables. dans nos pays et dans le monde entier. Et un mal-être et des problèmes de santé mentale et un mal-être général par rapport à, je dirais, notre civilisation quasiment. Donc ça, c'est le modèle actuel. Et j'essaie de mettre 100% de mon énergie pour faire émerger un nouveau modèle. Et on est des milliers, des millions à le faire, que je décrirais comme des nouvelles croissances qui seraient le mieux vivre, en fait, comme finalité. Là, on peut se reposer, par exemple, sur le donut, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va chercher un équilibre entre l'économique, le social, l'environnemental, privilégier la qualité à la quantité, qualité des liens, qualité aussi de ce qu'on fait, de la durabilité de ce qu'on fait, le juste rythme, pas forcément toujours plus vite, la régénération du vivant et la croissance des humains. Ça veut dire que moi, je pense que c'est... La clé à tous nos défis, c'est nous-mêmes. Ça veut dire qu'on a les ressources si on arrive à déployer le potentiel humain. Je pense que c'est la clé fondamentale. Donc, plus de sens, plus de joie et une société orientée vers un bien-être collectif, mais un bien-être avec plusieurs dimensions, en fait, un meilleur équilibre de ces différentes dimensions. Tu sais, on est des ressources humaines, quoi. En 2025, toute notre vie, on a été préparé, enfin, dès le plus jeune âge, hein, à être des ressources humaines capables de suivre des ordres sur un temps donné, en appartenant à un collectif, en gommant ses singularités. Moi, j'entends là tout de suite ton mot potentiel, humain, d'accord, mais le mot potentiel, il dit quelque chose de, justement, écouter sa singularité, savoir à quoi on veut contribuer, oser le décider. Et ça, j'ai l'impression que toi, tu y contribues en nous permettant, avec des outils simples, clairs, d'oser questionner notre potentiel, en fait, hein, et d'oser le révéler et de se dire que c'est non seulement souhaité, mais que c'est, en fait, souhaitable, libérateur. Et que c'est ça aussi qui va nous permettre à la fois de déconstruire les modèles, les histoires existantes avec toutes ses limites et de se projeter, de se sentir légitime pour se projeter dans ce qui vient après. En fait, le fil rouge aussi de ce que je fais, ça, c'est ces éléments de réponse sur l'ancien paradigme, le nouveau paradigme à inventer. Je pense que c'est le pourquoi, le vers quoi. Et ensuite, effectivement, la matière première, entre guillemets, avec laquelle j'essaie de travailler, c'est le potentiel humain. C'est... le potentiel qu'on en a chacun, chacune en nous. J'ai beaucoup travaillé avec Ticket for Change sur les notions de talent, mais c'est tout ce... En fait, on a toutes et tous des talents. On est toutes et tous des domaines, des choses dans lesquelles à la fois on est doué, c'est-à-dire qu'on est, on apporte beaucoup de valeur aux autres, et ça nous donne de l'énergie. Et le croisement de ça, c'est une zone magique où à la fois ça va nous donner du sens, ça, on va être très performant, on va apporter de la valeur aux autres, ça va nous apporter de l'énergie. Et donc, ces zones-là, c'est un encouragement à trouver sa singularité. C'est difficile à faire parce que, comme tu l'as dit, le système éducatif ne nous a pas forcément aidé à trouver ses talents et ses potentiels. Mais c'est à la fois... En fait, on a tous un rôle unique à jouer au moment d'inventer ce nouveau monde. Et si on ne joue pas pleinement ce rôle, alors il manque quelque chose parce qu'on a besoin... de gens qui vont être très créatifs, d'autres qui vont construire des projets en les structurant, d'autres qui vont les raconter, d'autres qui vont gérer les liens humains, les tensions potentielles, etc. On a besoin de toutes les aspérités et toutes les complémentarités. Et donc, c'est la somme de nos talents, de nos potentiels qui peut permettre de faire émerger ce nouveau monde. Et du coup, mon travail, c'est beaucoup de travailler sur ce pouvoir d'agir et face à l'impuissance qu'on peut ressentir. Voilà. Comme on va chercher le potentiel qui est dans chacun de nous et on est en bonne complémentarité, combinaison de talents. Pourquoi toi ? Pourquoi c'est important que ce soit toi qui fasses ça, cette libération des talents, des potentiels ? Je ne sais pas si c'est important que ce soit moi, mais c'est important que ce soit fait. C'est important pour toi déjà de le faire, non ? Ouais, en fait, j'ai toujours fait ça, c'est-à-dire c'est un fil rouge, je sais pas l'expliquer, probablement c'est lié aussi à ma mère était assistante sociale, mon père était dans les ressources humaines, donc j'ai peut-être un fil rouge autour de ces clés de compréhension et de la croyance que tout vient du potentiel humain. Mais fondamentalement, au-delà de ça, c'est vraiment, je suis persuadé que aujourd'hui, l'humain, par rapport à tous nos défis sociaux et environnementaux, c'est le frein et c'est la solution. Ça veut dire que c'est nous, c'est nos manières de penser, c'est nos visions du monde, c'est nos schémas mentaux qui nous envoient dans le mur et dans le chaos, d'une certaine manière, sur une certaine vision du monde. Et si on arrive à changer ça, alors on peut développer pleinement une nouvelle société. Mais il n'y a que le potentiel humain, c'est la transformation de l'humain qui peut permettre ça. Est-ce que tu dirais que ton parcours des dernières années t'a amené à la place que tu es là de manière continue, régulière, ou au contraire, parfois, tu vois plutôt ton parcours comme une ligne qui part un peu dans tous les sens, qui revient en arrière, qui se recoupe? Est-ce que tu as l'impression d'avoir eu finalement une envolée assez, assez fluide, où là tu te retrouves à ce moment-là avec une énergie nouvelle? Je ne sais pas comment l'expliquer différemment, je ne sais pas comment te poser la question différemment, mais j'arrive pas à savoir si c'est très logique. Tu parles de la continuité avec, avec Ticket for Change, et à la fois j'ai l'impression que c'est quand même un peu différent ce que tu proposes en ce moment. Ok, bah c'est intéressant, je suis ravi d'avoir ton regard. Pour moi, donc je réponds et si tu veux, tu réagis comment tu vois les choses. Mais en tout cas, moi, je vois une certaine continuité sur le pourquoi et le comment, et en même temps une réinvention des manières de faire. C'est-à-dire que toujours, mes fils rouges, ça a été, j'ai toujours été motivé par, en fait, la réconciliation de l'économique, du social et de l'environnemental. Ça, depuis toujours, depuis mes études, les premiers stages, voilà, les premiers engagements, j'ai toujours ça comme boussole, en quelque sorte. Pour moi, c'est ça le défi de notre siècle, en fait, c'est de trouver des nouveaux modèles qui permettent de réconcilier les trois. Et on n'y est pas du tout aujourd'hui. Et ensuite, de travailler sur le potentiel humain pour y arriver, parce que c'est la clé, c'est le levier. Et de créer des mouvements, en fait, qui engagent le plus de personnes pour le faire advenir. Voilà, et après, Ticket for Change, ça a été un travail avec des programmes pour aider les gens à trouver leurs talents et les mettre au service des enjeux du monde et en faire leur travail. Et là, aujourd'hui, j'explore plus par du contenu que j'essaie de partager, par les différentes manières qu'on a rapidement évoquées. Pour moi, c'est une forme de continuité, mais différente sur la manière de faire. Je ne sais pas si tu le sais, d'ailleurs, mais au moment où je rentre, parce que je vivais aux Philippines, j'étais dans les ONG... En 2016, au moment où je rentre et que je veux concrétiser l'idée du « ça commence par moi » qui me prenait du temps à l'époque, en tout cas qui était importante pour moi, bah j'ai suivi le MOOC que vous aviez mis en place pour justement faire tout le travail d'atterrissage du projet « ça commence par moi ». Là où je... Donc bah, déjà, je te remercie pour ça, mais ce que j'essaie de dire en fait, c'est que j'ai l'impression qu'en tout cas, pour avoir été un peu dans cette vibe à l'époque de Ticket, j'ai l'impression que la première réponse qui venait à ces enjeux-là, tu disais de réconciliation, pourquoi pas, c'était de faire. Et là, maintenant, j'ai l'impression que pour la réconciliation, c'est ne pas faire. C'est l'introspection, c'est l'analyse, c'est la prise de recul. Est-ce que c'est méditer un peu cette différence, cette dichotomie, presque une opposition, comme moi je la vois, entre action et non-action, ou est-ce qu'au contraire, c'est cyclique et c'était le bon moment pour toi pour apporter quelque chose de très complémentaire, en fait? Je suis toujours guidé pleinement par l'action. Je pense que l'action, c'est l'action qui transforme le monde. Maintenant, je pense que peut-être que par rapport aux premières années, tu vois, je fais partie d'une génération qui a découvert l'entrepreneuriat social et qui s'est dit... si on diffuse à grande échelle l'entrepreneuriat social et il y a quelques entrepreneurs sociaux qui inventent des modèles à grande échelle, alors ça va transformer le monde. Et en fait, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça et qu'il y a plein de résistances à plein d'endroits. Il faut continuer à développer ces modèles, d'une part, mais c'est une question de représentation du monde, de paradigme et de système qu'il faut arriver à changer. Et pour ça, du coup, il faut aussi interroger nos modes d'action pour savoir à quoi on contribue par la manière dont on agit. Donc c'est ça aussi tout le travail que j'ai essayé de mener ces derniers mois. J'ai eu besoin, en fait, si tu veux, en fait, sur ces 10 années de Ticket for Change, j'ai été beaucoup nourri d'abord par les outils entrepreneuriaux sur les premières années, et puis par la suite, j'ai découvert beaucoup la pensée systémique. Et en fait, marier les deux, c'est pas une évidence. Parce que c'est pas le même socle de pensée. Donc j'ai essayé, j'ai tout remis à plat pour essayer de dire à quoi je pense vraiment. C'est-à-dire, quand on a un cercle de considération des enjeux sociétaux larges, comment on fait pour agir à un endroit et être efficient à un endroit? Et donc pour ça, il faut un mix, et je pense que c'est cyclique, du coup, entre de l'action et aussi des moments de recul, de l'action, des moments de recul. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Tu le disais tout à l'heure, tu viens de publier un livre, tu en as eu publié hein, plusieurs, mais là, le dernier qui vient tout juste d'arriver en librairie s'appelle Anti-Chaos. La présentation dit que c'est un livre boussole, ça me plaît bien parce que nous avec les 2030 Glorieuses justement on essaie de faire en sorte par le voyage en 2030 Glorieuses que les gens se rendent compte qu'ils ont tous et toutes une boussole et qu'ils peuvent décider de la direction de cette boussole et de ce qu'elle pointe cette boussole. Raconte-toi ce livre et comment justement il peut aider à faire en sorte que les gens décident à nouveau d'avoir la main sur leur avenir. Donc c'est un livre que j'avais pas prévu d'écrire, mais quand j'ai vu en fait chez plein de gens un tel sentiment d'impuissance par rapport à tout ce qu'on vivait à notre époque, au cumul de toutes les crises qu'on vit, qui peuvent être crise sociale, effondrement environnemental, mais aussi la géopolitique, les guerres, les incertitudes économiques, l'intelligence artificielle dans tout ça, etc. Donc on peut se sentir impuissant et pas plus savoir par où prendre les choses. Donc ce chaos, il est à la fois un peu systémique, il est potentiellement dans nos organisations, dans nos vies personnelles aussi, on ne sait plus trop par où prendre les choses. Et en fait, ce que j'essaie de montrer par ce livre, c'est que ce chaos, il est lié au paradigme, donc au modèle actuel, en fait. C'est lui qui nous envoie dans le chaos. Et donc si on veut apprendre à mieux vivre et mieux agir dans ce monde-là, en fait, il faut deux choses, je pense. Un, apprendre à naviguer dans l'incertitude, parce que les années qui viennent, elles vont être incertaines et complexes et chamboulantes. Et deux, s'outiller pour faire émerger un nouveau monde, même s'il y a plein de résistances. Et donc, j'ai essayé de rassembler des principes et des outils qui, moi, en tout cas, m'ont aidé à y croire à nouveau, retrouver du pouvoir d'agir et qui me guident au quotidien. Donc, boussole, parce que donc c'est un livre avec des outils pour que chacun puisse construire sa propre boussole et inventer son futur, à la fois à titre personnel et collectif. S'il y a un outil, là, toi, que tu devais nous partager, un outil non pas le plus impactant, le plus efficace, j'en sais rien, mais qui était particulièrement utile et que tu utilises peut-être pas tous les jours, mais qui revient régulièrement sur ta table, ça serait lequel ? Il y en a un que j'utilise vraiment tous les jours, pour le coup, et vraiment qui m'aide à retrouver de la clarté à chaque fois que je me sens un peu perdu, tu vois, dans la somme de toutes les choses à faire, voilà, par où prendre les choses, ça s'appelle ABZ. En fait, Z, c'est ta vision, c'est là où tu veux aller, c'est ton cap à long terme, c'est ton futur désirable que tu veux te faire advenir, et encore une fois, que ce qui soit à titre personnel, pour tes projets, ou même, on pourrait dire que ça pourrait être une boussole pour la société. Donc Z, c'est la vision, c'est le cap, c'est le rêve. Et ensuite, si tu sais plus où t'en es et où est la suite, A, où t'en es aujourd'hui, et B, quel est le prochain pas, le plus petit pas prochain pour aller dans cette direction. Et ensuite, mettre toute son énergie sur ce B-là et taire un peu les autres potentiels, les C, les D, les E, les F, etc., qui viendront juste après. En fait, A, B, Z, Z, ta vision, A, où t'en es, B, le prochain pas, ça t'aide à retrouver du pouvoir d'agir parce que ça te remet en mouvement, dans la bonne direction. Donc moi, ça m'aide vraiment au quotidien, dès que j'ai besoin de clarté sur la prochaine décision à prendre. Je suis embêté, Mathieu, parce que quand je fais voyager les gens en 2030 glorieuses, je nous souhaite à nouveau de vivre un joyeux bordel à l'image du vivant, un truc un peu fouillis. Et parfois, j'utilise le mot chaotique où on se rend compte qu'on est interdépendant et qu'on termine fourbu de cette énergie dépensée à recréer du lien, régénérer le vivant. Et on arrête peut-être d'être un peu dans cette vision où on a l'efficacité à tout prix, la justesse à tout prix, et c'est un peu une ligne de crête pas évidente parce qu'à la fois il faut moins faire, mieux faire, être apaisé, et à la fois voilà, j'ai l'impression qu'on a besoin à nouveau d'être dans une croissance presque exponentielle de tout un tas de choses qui font du bien à tout le monde. J'arrête d'utiliser le mot chaos, je fais quoi maintenant avec ma vision du joyeux bordel des 2030 glorieuses? Toi tu dis qu'il faut aller à l'encontre de ça, t'as un livre anti-chaos, est-ce qu'on va être amené un jour à s'opposer comme un Jedi et un Sith? J'espère pas. En fait, c'est intéressant. Merci pour ce point-là. Le point, c'est pas. Alors, le livre s'appelle Anti-Chaos parce que c'est le système qui nous envoie dans le chaos, mais un chaos qui peut être violent et qui nous envoie dans un mur qu'il faut absolument éviter. Après, j'évoque aussi que du chaos émerge le nouveau. Enfin, le chaos peut être une opportunité pour faire émerger quelque chose que l'on désire vraiment. C'est aussi une opportunité. Et aussi dans ce que tu évoques, il y a quelque chose de l'émergence. En fait, il y a plein de choses. Elles sont liées les unes aux autres. Il y a des richesses multiples, comme tu disais. Donc peut-être le mot d'émergence ou en fait d'avoir une vision plurielle de plein de choses positives. Ça, faut pas du tout enlever ça. Après, voilà, moi j'ai fait un travail sur ce ressenti de chaos et d'impuissance qui nous empêche en fait d'avancer vers cette société souhaitable. Mais le point principal, c'est d'avoir un rêve qui nous donne envie d'avancer. Et ça, c'est pleinement ce que tu fais. Ouais, c'est marrant que tu parles de ces deux oppositions, parce que j'ai trouvé justement sur le Larousse les deux définitions du chaos qui, là en l'occurrence, recoupent ce que tu proposes. Il y a effectivement le chaos vu comme un état de confusion générale, des choses qui sont sans dessus, dessous et qui donnent l'image de la destruction, de la ruine. Mais il y a aussi la confusion générale des éléments de la matière avant la formation du monde. Et un des guides, Julien Chauvet, qui peut-être nous écoute en ce moment, des 2030 Glorieuses, nous, en 2025, il nous a souhaité à toute la communauté des guides un chaos qui soit lumineux, un chaos qui nous amène vers quelque chose de plus souhaitable et d'accepter voilà, ce désordre, d'accepter ce remodelage avec quelque chose qui peut parfois sembler un peu confus, un peu brouillon, un peu destructeur. En fait, c'est aussi le passage obligé vers ce que nous, on appelle les 2030 Glorieuses en réalité. Exactement. Je me permets un rebond ici parce que c'est super intéressant le point que tu mentionnes. J'ai beaucoup travaillé, comme je te le disais, sur le sujet de changement de paradigme et de comment on change de paradigme. Est-ce que c'est possible? Comment ça se passe, etc. Et donc, c'est Thomas Kuhn, un historien des sciences qui a énormément étudié et qui est l'initiateur du concept, le créateur du concept. Et il y a quatre étapes. Je vais très vite, mais il y a quatre étapes. Et en fait, il y a une étape de confusion qui est nécessaire, en fait, avant l'émergence de quelque chose de nouveau. Donc, il y a d'abord un paradigme, puis on se rend compte qu'il y a des anomalies. Puis, il y a une étape confusante, en fait, qui s'appelle la recherche extraordinaire. Et là, c'est un peu chaotique. On ne sait pas trop dans quel sens ça va. Tout le monde teste plein de choses dans tous les sens. Et ensuite, peut émerger un nouveau paradigme. Donc, ça rejoint exactement ce que tu dis. Et donc, le chaos, c'est aussi le signal qu'on est en train, peut-être, de tester plein de choses pour faire advenir un monde différent. Bon, bah parfait. Tu vois, on est donc en 2025. C'est le temps de la recherche extraordinaire. C'est mieux nommé comme ça plutôt qu'en regardant de près et de trop près parfois l'actualité. On va partir en 2030 glorieuse, et donc dans la dernière étape, hein, j'ai hâte de savoir ce qui s'y passe. Avant ça, on a toujours une bulle un peu là, après cette première partie bien intense, qui va nous permettre voilà, de nous reposer, de respirer, de souffler un peu. Et moi, je suis persuadé que dans tous les livres qui sont sur nos murs, dans nos étagères, dans nos bibliothèques, on a déjà des fenêtres vers les 2030 glorieuses. Tu as décidé de venir avec une lecture particulière, un passage particulier. Qu'est-ce que tu nous apportes, Mathieu ? Oui, donc c'est un passage du livre « D'un monde à l'autre » de Nicolas Hulot, Frédéric Lenoir, et en fait qui cite dans l'avant-propos un passage de Romain Gary et qui en fait une analyse après. Donc c'est une lettre de Romain Gary qui s'appelle Lettre à l'éléphant. Attends Mathieu, avant ça, parce que moi j'ai quand même, je révèle les coulisses de notre interview. Tu m'as dit bah tiens, j'ai trouvé un passage, et puis au moment de dire bon c'est quand même de Nicolas Hulot, t'avais l'air un peu embêté. Est-ce qu'on sépare l'homme de l'artiste? Est-ce que on cancelle complètement Nicolas Hulot? Je te pose la question parce que je me la pose souvent et dans certains de ses propos, j'ai l'impression qu'il a servi de base, moi, à mon évolution. Comment on garde cet héritage? Où est-ce qu'on le garde, cet héritage? Bah, tu vois, là, je me permets de mobiliser ça parce qu'il y a des idées qui sont fortes, structurantes et sur lesquelles on peut s'appuyer et qui peuvent aussi nourrir notre engagement. Donc, voilà. Allez, ça c'est dit. On t'écoute, Mathieu. Thank you. Monsieur et cher éléphant, j'ai le sentiment que nos destins sont liés. Et pourtant, l'on vous considère comme incompatible avec l'époque actuelle. Si le monde ne peut plus s'offrir le luxe de cette beauté naturelle, c'est qu'il ne tardera pas à succomber à sa propre laideur et qu'elle le détruira. Il n'est pas douteux que votre disparition signifiera le commencement d'un monde entièrement fait par l'homme. Pour l'homme. Mais laissez-moi vous dire ceci, mon vieil ami. Dans un monde entièrement fait pour l'homme, il se pourrait bien qu'il n'y eût pas non plus place pour l'homme. C'est ainsi, monsieur et cher élément, que nous nous trouvons, vous et moi, sur le même bateau, poussés vers l'oubli par le même vent du rationalisme absolu. Dans une société vraiment matérialiste et réaliste, poètes, écrivains, artistes, rêveurs et éléphants ne sont plus que des gêneurs. Donc ça, c'était un passage de la lettre à l'éléphant de Romain Gary. Et du coup, les deux auteurs ensuite ajoutent « Il est extrêmement difficile de faire bouger les choses dans le cadre de l'exercice du pouvoir politique, tant les résistances mentales et économiques sont grandes. Pour rendre possible la nécessaire transition écologique et sociale, c'est d'abord d'un nouveau regard et d'une profonde transformation des esprits que nous avons besoin. » Merci Mathieu pour cette bulle d'inspiration. Du coup, ça y est, on va faire cet exercice hein, de prendre de la hauteur, de voyager dans le futur, de se raconter à quoi ressemblent les mondes enthousiasmants. Toi, comme tu le dis, moi je l'ai dit plus juste, plus solidaire, plus durable, plus joyeux. En deux mots, les 2030 glorieuses. Bon, ça fait trois mots. Je sais que nous, les Français, on n'est pas très bons hein, pour laisser libre cours à notre imagination. On est des pessimiste chronique et à la fois on a besoin de cette vision optimiste pour derrière en faire des caps qui sont des boussoles pour attirer nos actions quotidiennes. On va essayer de jouer ce jeu au maximum, c'est pas évident, on s'attend pas à ce que ça soit un exercice parfaitement mené, on a le droit de se tromper, on a le droit de revenir sur nos propos, on a le droit de bafouiller, on a le droit de chercher, Mathieu autorise-toi ça. Les personnes qui nous écoutent, elles vont rester en 2025, nous on va aller en 2030 et des poussières hein, parce que quand on dit les 2030 glorieuses, tu peux très bien décider d'être en 2030 ou en 2034 ou en 2038, bref, c'est le début d'une nouvelle ère et on va parler de cette nouvelle ère au présent. Donc si on utilise le futur, on est encore plus loin, on essaie d'éviter le conditionnel. On va essayer de donner aussi le maximum de couleurs, de contenu, de détails, de contours pour que les gens qui sont restés en 2025, les pauvres à l'époque, puissent vraiment sentir là le monde, les mondes dans lesquels on va se retrouver. En 2030 glorieuse, je commence par te demander ça. Je sais pas où toi tu es, mais qu'est-ce que tu vois par la fenêtre ? Je vois une nouvelle je suis dans un environnement urbain, mais qui a laissé plus de place aux vivants. Donc c'est ce que je vois de la fenêtre là. Ouais, une place plus chaotique en l'occurrence, parce que aujourd'hui on a des fruits et des légumes qui poussent juste à côté, parfois même accrochés directement sur les façades, des jardins de pluie, des bacs à herbes aromatiques, les pistes cyclables sont omniprésentes et donc du coup où on regarde par la fenêtre, c'est vraiment un joyeux bordel. Hein. Ouais, bah il y a de la vie en fait. En tout cas, on a créé des environnements qui sont plus qui permettent en fait de reconnecter avec, comme tu disais aussi, ce qu'on mange, le lien social concret, tout ça c'est relocalisé beaucoup plus proche là où on habite, là où on vit, c'est des lieux de vie et ça vient pas forcément de l'autre bout du monde où ça n'a pas été processisé et éloigné des centres urbains, etc. Donc je ne sais pas si c'est chaotique, mais c'est il y a une sorte aussi d'harmonie avec ces lieux de vie plus complets, en fait. À l'époque, toi, en 2025, tu travaillais sur la croissance du potentiel humain. Quelle est sa place au potentiel humain aujourd'hui, en 2030 glorieuse ? En 2030 glorieuse, on a fait advenir une société du pouvoir d'agir. Ça veut dire que, en fait, on fait confiance aux humains, aux femmes et aux hommes, un peu partout, dans les territoires, dans leurs organisations, pour faire émerger les solutions. Parce que on a pris conscience que les défis auxquels on fait face, qu'ils soient sociaux, environnementaux, économiques, à tout niveau, en fait, on a besoin de la créativité des gens. Et de leur finesse d'esprit, de l'analyse de la situation, de là où ils sont, pour trouver les bonnes solutions. Et on a besoin de leur énergie aussi entrepreneuriale, collective, pour trouver des solutions. Donc on mise sur l'éducation, la formation, on donne des outils pour que chacun puisse prendre les bonnes décisions là où il est. Et ça à tout niveau. Et c'est ça qui, en fait, on mise sur le potentiel humain parce que c'est ça qui peut nous en sortir. Et c'est ça qui a fait que y a cette émergence dont tu parlais avant et que la ville s'est transformée, mais pas que. J'aimerais bien qu'on parle des points de bascule. On a, nous, dans nos imaginaires, les Françaises et les Français, l'idée que la révolution, le changement d'air, passe par des têtes qui tombent, passe par des épisodes de violence contre d'autres êtres humains, contre parfois des symboles aussi, des objets. Moi, j'aimerais bien aussi, à côté de ces potentiels moments, évoquer des points de bascule qui soient peut-être plus doux, plus joyeux, qui passent par l'humour, qui passent par quelque chose d'autre. Et donc là, tout de suite, tu vois, tu me parles de ça. Moi, je pense au moment où il y a certaines entreprises qui ont décidé de changer le nom du département des ressources humaines par le département des potentiels humains. Donc, on s'est retrouvé avec des directeurs des potentiels humains. Déjà, ça montrait à quel point l'entreprise mettait plus en valeur les personnes qui venaient y travailler, acceptait d'avoir plus d'horizontalité. Ça, ça a été un petit point de bascule. C'est sémantique, mais c'était important. Je me rappelle aussi des premières manifestations pour le pouvoir d'agir, parce que souvent les gens descendaient dans la rue pour leur pouvoir d'achat, mais le jour où on s'est rendu compte qu'on avait envie de pouvoir d'agir, ça nous montrait qu'on avait envie de se reconnecter à nos capacités de transformer le monde, transformer nos mondes au quotidien. Ça aussi, c'est un point de bascule intéressant, mais qui n'a pas tout fait. Est-ce que tu peux nous donner un point de bascule, peut-être deux, qui ont été essentiels pour faire advenir ces 2030 glorieuses? Peut-être que tu peux même les dater, peut-être que tu peux les nommer comme on les voit dans les livres d'histoire actuellement. Ah oui, à partir de 2027, on a décidé de changer de boussole collective, c'est-à-dire que c'est plus le PIB, la croissance économique qui guide toutes les grandes décisions et puis tous les indicateurs économiques associés. C'est on a décidé de prendre comme boussole le donut, et donc on essaie de voir comment collectivement on avance tous les niveaux sociaux dans le respect des limites planétaires, et donc l'économique vient au service de ça. Et donc ça nous aide, on peut piloter au niveau de l'Europe, de la France, et puis on essaie d'influencer plus largement, mais aussi au niveau des villes. Et ça change tout, on a une boussole collective qui est complètement différente. À partir de ce moment-là, ensuite, on a les années qui ont suivi, on a cherché à donner du pouvoir d'agir aux citoyens et puis aux acteurs économiques pour aller dans cette direction. Donc on a tout fait pour que la créativité puisse se déployer. Donc on a misé sur la formation tout au long de la vie. Il n'y a plus juste à l'école où on se forme et puis ensuite on devient des travailleurs toute sa vie. On se forme en continu et donc on développe des capacités en continu parce qu'on a besoin de se réinventer en permanence dans un monde qui bouge extrêmement vite. À chaque fois qu'il y avait des défis, on se rendait bien compte avec le donut que il fallait travailler sur tel ou tel aspect de la biodiversité, de la santé, de l'alimentation, etc. Et à chaque fois qu'étaient identifiés des défis, se mettaient en place des défis collectifs où on essayait d'identifier des porteurs de solutions qui pouvaient être des nouveaux projets ou des secteurs à transformer. Et là, se mettaient en mouvement plein d'acteurs assez différents, mais qui avaient une même direction, en fait. Et c'est ça qui a permis d'arriver à ces 2030 glorieuses. Je suis vraiment embêté par ce mot de donut là, mais effectivement, je crois que 2027, il y avait des présidentes, enfin des futurs, des candidats et candidates aux élections qui essayaient de renommer un peu cette notion de donut. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je me rappelle aussi les premières villes qui ont commencé à montrer leur appartenance à ce mouvement et leur envie de mesurer leur victoire autrement. Et donc, comme ça, dans les entrées où il y avait le nom de la ville qui apparaissait pour marquer l'entrée dans un nouveau territoire. On mettait aussi en plus un panneau qui symbolisait ce beignet rond percé pour montrer qu'on faisait partie de cette communauté qui décidait de re-rentrer à l'intérieur des valeurs et des limites à la fois planétaires, mais aussi, tu l'as dit, sociales et de se contraindre pour mieux exister. Parce qu'on le sait, de la contrainte naît la créativité. Donc ça a été un sacré moment de bascule de se dire qu'on commençait à avoir des territoires qui marquaient leur appartenance à ces nouvelles manières de mesurer le succès, de mesurer la réussite, de mesurer la régénération du vivant dans sa globalité. Est-ce qu'on a d'autres manières de mesurer ces 2030 glorieuses qui te semblent hyper importantes? On n'est pas forcément obligé d'être au niveau systémique, on peut aussi peut-être être au niveau individuel. Je ne sais pas, Mathieu, toi, il y a des nouvelles boussoles, des nouvelles mesures qui te semblent importantes en 2030 glorieuses? En 2030 glorieuses, on a retrouvé un meilleur sentiment de maîtrise, entre guillemets, sur notre temps. C'est-à-dire que on est sorti de cette accélération effrénée du rythme de nos vies et du digital qui prend énormément de place avec les notifications, les applications, les sollicitations entrantes, etc. Et donc, on a réussi à inventer un juste rythme. C'est pas que une décélération qui s'est imposée partout. C'est juste chacun a repris la main pour trouver un juste rythme. Et je pense que le modèle des quatre saisons que j'évoque dans TKO est très aidant pour ça, c'est-à-dire qu'il y a différents rythmes, et selon le moment où on se situe dans la vie, entre l'été, l'automne, l'hiver et le printemps, et ben on peut ajuster, et c'est beaucoup plus vivant. Donc on a repris la main sur le rythme de la vie, on a beaucoup plus de liens avec ses proches, on n'est pas sans cesse en train de courir partout et on a un meilleur équilibre entre les différentes dimensions qui sont importantes pour faire que tout simplement on soit heureux, épanoui et qu'on puisse être ouvert vers les autres en fait, aussi économiquement rassuré pour pouvoir être généreux envers les autres. Ouais, ça se voit de manière très concrète. Il y a des villes, on les disait les slow cities à l'époque, qui maintenant, dans tous les espaces publics, ont remplacé les horloges qui marquaient 12 heures par des horloges de 24 heures. Il y a des gens qui, aujourd'hui, en 2025, ont à leur poignet des montres de 24 heures. Effectivement, c'est beaucoup plus difficile d'arriver à la minute près à l'heure à un rendez-vous, mais ça montre aussi qu'on a envie d'avoir ce rapport au temps différent. J'en ai une dès aujourd'hui. Dès 2025, à l'époque, tu avais déjà une autre. Il y a 10 ans, j'en avais une. Et comment on protège tout ça? Comment on continue à le déployer? On peut bien entendu penser à tous ces outils qui sont enseignés tout au long de nos parcours scolaires que toi, tu défendais et que tu proposais déjà dans le livre Anti-KO à l'époque. Est-ce qu'il y a d'autres idées qui te viennent en tête que tu veux nous présenter pour à la fois, défendre cette notion de ralentissement, mais aussi de potentiel humain? Comment on en prend soin de ce potentiel humain en 2030 glorieuse? Oui, il y a plein de personnes sur le terrain qui accompagnent les autres pour prendre soin. C'est-à-dire qu'il y a plein d'accompagnateurs, etc., qui... parce que c'est pas facile de changer de mode de pensée, d'habitude... et donc il faut se former, être accompagné, etc. Donc, et permettre cette émergence, ce développement des capacités. Il y a ça, et il y a aussi, je pense que les médias aussi jouent un rôle essentiel dans leur grande variété, c'est-à-dire les médias traditionnels et aussi différents médias comme les podcasts, les livres, etc. En tout cas, tous les imaginaires qui nous permettent d'encourager ce changement de pratique. Parce que les médias et les imaginaires ont été extrêmement utilisés pour développer le paradigme précédent du toujours plus vite, Et là, ce sont des outils aussi pour nous aider à transitionner, nous inspirer, nous aiguiller, nous outiller. Donc, ils mettent en évidence les bonnes pratiques, les réussites, qui nous donnent envie. Voilà, il y a un partage de ces connaissances qui permet en fait d'avancer, d'être rassuré, d'être stimulé. Et aujourd'hui, on a des portraits comme ça de tous les potentiels, des potentiels humains qui sont mis en avant, comme tu le dis, dans les médias. Moi, je sais que on a une sorte de bibliothèque des potentiels aussi dans notre quartier pour que les gens ils donnent à voir leur potentiel et pour créer des occasions de s'entraider, de se rencontrer par potentiel, par curiosité, par envie de progresser. Et c'est une nouvelle porte d'entrée, une nouvelle manière de regarder les gens autour de soi. Ouais, et exactement. Et c'est, on se présente pas forcément par ce que l'on fait ou ce que l'on a fait, mais par qui l'on est profondément, ce que l'on veut, ce qui nous touche en fait, et ce que l'on peut apporter parce que par nos dons, nos talents, et ça permet des émergences des rencontres incroyables où il y a des émergences de complémentarité de talents qui n'auraient pas eu lieu sans ça. Absolument. Donc c'est ça qui permet en fait qu'on soit à la hauteur des défis. Toi, en 2030 Glorieuse, Mathieu, tu fais quoi ? Tu es accompagnateur en potentialité ou en fait, tu as complètement changé de sujet ? Est-ce qu'il y avait à l'époque déjà des potentiels que tu avais envie d'assouvir quand on se croisait en 2025 ? Je suis toujours sur cette ligne directrice, en fait, d'aider à créer les conditions qu'émerge cette société du pouvoir d'agir pour faire émerger un monde plus juste, plus durable, plus harmonieux. Et après, il y a plein de manières de le faire. Donc, j'ai fait de la création de contenu, je continue. J'ai fait des formations, je continue. J'accompagne des mouvements. Et puis après, il y a tout peut émerger. C'est-à-dire, quels sont les endroits où je considère que je vais avoir le plus d'impact, tout en étant aligné avec les valeurs et la manière de faire au quotidien. Avec des personnes qui me stimulent. C'est un peu confus. Je sens bien que on verra ce qu'il adviendra, mais c'est vrai que la question de « Et toi, tu fais quoi en 2030 Glorieuse ?» elle n'est pas évidente. Est-ce que je peux quand même essayer de te la reposer à nouveau ? Est-ce que, tu vois, si jamais tu te remettais dans le toi qui est un peu lointain des 2025, il y avait quelque chose aussi peut-être que tu n'avais pas du tout encore eu le temps, courage, l'opportunité d'explorer et même de se dire « Mais en fait, j'ai attendu trop de temps pour le faire et aujourd'hui je dis n'importe quoi, tu chantes dans des cabarets, tu fais quelque chose de complètement différent. Est-ce qu'il y a un truc comme ça qui te reste et que tu as eu enfin l'opportunité d'accomplir en 2030 Glorieuse? Je dirais deux idées qui me viennent comme ça potentielles, je continuerai à creuser en 2030 Glorieuse, je continue à creuser cette dimension artistique que j'ai commencé à explorer via le contenu que je fais avec Redessiner le monde et ce livre Antiquino, où en fait, pour moi, le visuel et la manière de représenter les choses, en fait, peut vraiment aider à changer les consciences et les comportements au quotidien, parce que ça ancre la mémoire long terme et ça aide à changer les comportements. Donc, il y a quelque chose que je creuse dans cette dynamique-là et ça peut créer un mouvement plus large de gens qui proposent des nouvelles manières de voir les choses avec des visuels. Avant, après, nouvelle manière de penser. Évidemment, il y a ce sujet, comment est-ce qu'on peut avoir, profondément changer la société ? C'est par des nouvelles règles du jeu, des nouvelles normes, des nouvelles directions, aussi politiques. Donc, j'ai envie de creuser à quoi ça peut ressembler, si on va au bout du geste, cette société du pouvoir d'agir, quelles seraient les mesures que ça demanderait ? Comment on peut faire advenir concrètement cette nouvelle société. C'est deux directions potentielles et l'une peut nourrir l'autre et inversement. Moi qui suis très visuel, par exemple, tu vois, je m'imaginais dès 2025 la possibilité d'avoir une sorte de... je sais pas comment le dire, mais du street art du potentiel humain, tu vois, où ces concepts-là que tu nous donnais à aller voir à l'époque avec le livre Anti-Chaos, ils pourraient se retrouver aussi dans l'espace urbain, de manière un peu imposée comme le font les street artistes, mais aussi un peu décalé, un peu drôle. Et je trouve que c'est aussi grâce à l'art qu'on a ces sursauts parfois et qu'on sort un peu de sa routine et qu'on nous propose des expériences, des réflexions qui sont différentes et qui nous permettent de prendre de la hauteur, d'avoir une pensée qu'on ne se serait pas autorisé à avoir si on avait été encore un peu chacun dans son couloir. Peut-être qu'il y a quelque chose là-dessus à explorer, une sorte de Banksy, mais de l'impact social peut-être. Merci, je note l'idée pour les années 2025 et la suite. Non, mais en plus, ce qui est hyper pratique, merci. C'est qu'avec ton 1m95 au moins, non, t'es hyper grand. Un peu plus, ouais, encore un peu plus. 2m2, ouais, je fais. 2m2, mais tu peux atteindre des endroits que nous, les gens normaux, on n'arrive même pas à atteindre. Tu imagines, avec une bombe de spray, tu peux faire du tag au-dessus de tous les autres tags des gens normaux. Non, mais il y a un truc à creuser. Bref, je te laisse l'idée, c'est gratos. On revient en 2025, Mathieu. La route est longue pour aller vers ces 2030 glorieuses. Les gens qui nous ont écoutés nous disent, bah allez, moi aussi, j'ai envie d'explorer mon potentiel humain, de l'exprimer même, d'aller saisir mon pouvoir d'agir. Par quoi ils peuvent continuer? Qu'est-ce qu'ils vont faire tout de suite en arrêtant d'écouter cet épisode? Je pense que c'est important deux choses. Rejoindre des communautés en fait dans lesquelles ils vont pouvoir rencontrer des personnes et ils vont pouvoir se mettre en mouvement à plusieurs. En fait, c'est important d'être stimulé et on peut assez vite se sentir tout seul et impuissant par rapport à tous les défis du monde. Donc, être en communauté, en cohorte et avancer ensemble, cheminer, je pense que c'est essentiel. Et il y en a plein partout aujourd'hui. Et puis se nourrir aussi de contenus qui vont pouvoir les inspirer, les aider à agir. Continuer à creuser, en fait, de se nourrir d'inspiration et puis de se poser sans cesse la question, qu'est-ce qui, en fait, me stimule, m'inspire, et d'essayer d'aller de tendre vers cette direction-là. Et donc, ça passe notamment par des livres qu'on choisit bien. Tu disais avoir lancé une newsletter qui s'appelle Redessiner le monde et peut-être qu'il y a ce travail de refaire un peu en conscience le tri dans les newsletters auxquelles on est abonné, les podcasts dont on suit les flux, de refaire un peu en conscience, voilà, ce travail pour se remettre en mouvement de manière un peu plus efficace, un peu plus ordonnée vers ses potentiels humains. Oui, bah de manière générale, de toute façon, je pense que l'époque nous invite au moins mais mieux, donc à tous les niveaux, donc notamment sur le contenu, choisir les contenus qui nourrissent vraiment, et puis d'aller au bout, c'est-à-dire que par exemple dans le livre Anti-Chaos, il y a des propositions d'outils, d'exercices entre guillemets, d'essayer d'aller au bout plutôt que d'être dans la profusion de plein de contenus, en choisir quelques-uns et puis aller au bout du geste en essayant d'intégrer les choses au quotidien dans ses actions. Je pense que c'est ça qui, voilà, on est tous invités à ce moins mais mieux et moi-même j'essaie de faire ça au quotidien, même si c'est extrêmement difficile pour tout le monde. Question un peu ardu, quoique ça se trouve en fait peut-être très facile. Si jamais tu devais garder qu'une newsletter, toi, en 2025, celle à laquelle tu as envie de te raccrocher, que tu as envie de garder avec toi cette année, c'est laquelle? Tu es peut-être abonné à plusieurs, je sais pas. Ouais, évidemment, plusieurs. Je citerais celle du plongeoir de Guillaume Fourdinier, en fait, qui décrypte un peu chaque semaine un secteur ou un sujet ou un domaine. Et qui, à la fois le décrypte, l'aide à comprendre, et puis propose met en lumière des projets qui s'y attellent déjà et donne des idées pour des personnes qui voudraient se lancer dans ces domaines. Donc, en fait, pourquoi ? Parce que ça décrypte et ça donne une énergie de voir qu'il y a plein de gens qui sont déjà en mouvement et ça peut donner des clés pour agir soi-même. Merci Mathieu. Merci Julien. Merci d'avoir voyagé avec nous en 2030 glorieuse. Si vous voulez continuer à muscler vos utopies, rendez-vous sur 2030glorieuse.org pour explorer la galaxie utopiste que nous mettons à votre disposition avec créativité, enthousiasme, humour et amour. Vous pourrez découvrir des méditations utopistes, des livres et pourquoi pas d'autres épisodes du podcast 2030 glorieuse qui existe depuis plusieurs saisons déjà. Surtout, les 2030 Glorieuses, c'est un atelier d'intelligence collective qui permet de reprendre le pouvoir des imaginaires. Cet atelier peut se réaliser partout en France, voire même en Europe ou en ligne. Et si vous le souhaitez, vous pouvez devenir guide de voyage en 2030 Glorieuses pour rejoindre la communauté des centaines d'utopistes qui sont déjà tout autour de vous sans le savoir. Alors je vous dis